Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire un cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence-Vie, présentation, Prisca Aïman. Bienvenue à l'émission Transformation. Nous sommes toujours heureux, toujours gais, toujours, je veux dire, heureux, c'est ça, toujours en joie de faire cette émission-là pour la gouverne des auditeurs, pour l'édification des auditeurs et pour nous-mêmes aussi, parce que c'est une émission qui sert le Seigneur, c'est une émission qui présente Jésus, qui présente la puissance du Seigneur dans la vie des uns et des autres. Et en ce jour, béni de l'Éternel, on a un témoignage encore qui va nous faire du bien. C'est le témoignage de quelqu'un, un frère congolais, qui aimait beaucoup les femmes et tout ça, et qui a rencontré sur son chemin Mami Wata. Ça fait un peu peur, hein. J'espère que je ne vous effraie pas. Mais c'est la triste réalité. Mais s'il en parle aujourd'hui, c'est parce que justement le Seigneur s'est révélé à lui, le Seigneur l'a délivré de l'antre de la sirène des eaux. Il va nous en parler ici, tout à l'heure. Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Mm-hmm. Alors, on est là, hein, tu vas te présenter. C'est la première émission qui est consacrée donc à ton témoignage, puisqu'on va faire certainement deux, peut-être trois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est cela. Il y aura au moins deux ou trois séances de témoignage comme ça. Tu vas te présenter aux auditeurs. Bon, je me nomme Maurice Mambouana. Je suis congolais de Brazzaville. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Et tu es en Côte d'Ivoire depuis quelle année? Depuis 2000. Depuis l'an 2000. Mm-hmm. Voilà. Et tu m'as dit aussi que tu es évangéliste. Oui, je suis évangéliste. Voilà. Je fais l'évangélisation. Comme Dieu me l'a donné, je fais l'évangélisation de porte à porte. Porte à porte. Oui. Ok, c'est déjà bon. Alors, tu es congolais, tu as dit, hein, de Brazza. Mm-hmm. Tu es du sud. Oui, je suis du sud. Et de quelle ethnie? Du Congo, je suis Bembe. Bembe, voilà. Tous les Congolais de Brazza qui se reconnaissent, c'est votre frère Bembe. Voilà, mm. Moi je prononce ça comme ça. Alors, on parle un peu des croyances de ta famille. Hein. On ne va pas trop durer là-dessus, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mm. Ta mère était chrétienne? Ah oui, maman, religieuse. Maman était chrétienne, mm-hmm. mais elle était guérisseuse. Mm-hmm. En même temps qu'elle partait à l'église, mais elle guérissait les gens qui avaient des problèmes d'enfantement, par exemple, mm-hmm. les petites maladies comme fontanelle, mm-hmm. oui, trucs comme ça, les hémorroïdes, mm-hmm. maman guérissait ça. D'accord, mm-hmm. c'est cela. Alors, là, le père? Non, lui, il était, comme on le dit, si païen, mm-hmm. oui, il partait pas à l'église. Il ne croyait pas en Dieu? Voilà. Ok, c'était son choix. Alors, on va parler un peu de tes relations avec tes parents, hein. Oh, ton père te reprochait un peu beaucoup de choses, mais avec ta mère, tu étais complice. Oui, bon, avec mon père, parce qu'en fait, bon, avec mon père, on n'était pas trop d'accord, parce que, bon, c'est le devoir de chaque père, hein, parce que moi, j'aimais beaucoup les jeux de poker, mm-hmm. et lui, ça ne le plaisait pas. Pourquoi? Il trouvait qu'il y avait un danger? Oui, parce que, en fait, dans le poker, si tu n'as pas d'argent, tu vas chercher à voler. Mm-hmm. Oui, on le faisait, mm-hmm. oui. Quand tu n'as plus d'argent, bon, on t'a bouffé ton argent, tu n'as plus d'argent, tu vas à la maison, tu commences à fouiller les petits recoins. Si tu trouves 1000 francs, 500, tu prends pour aller continuer le jeu. Donc le vieux connaissait toutes ces choses, c'est pourquoi il n'était pas content que je joue à ces jeux-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que ça pouvait, oui, ça pouvait mettre un peu dans les gangs, tout oui. ça, te pousser à voler. Oui, effectivement. Vol organisé et tout ça. Voilà. Alors, on entre de plein pied, hein, toujours dans ta vie sans Jésus-Christ. Mm-hmm. Tu vas nous parler de cette vie mondaine-là, qui est faite de bois de nuit. On va essayer de bien organiser ça. Mm-hmm. Alors, tu as commencé ta vie mondaine, ta vie de sexe, de cigarette, à partir de quel âge? J'ai commencé cette vie-là, disons, à l'âge de 14 ans. Mmh. Et tu l'as arrêté par la grâce de Dieu à 29 ans, c'est ce que tu as dit la dernière fois. Donc oui. 15 ans de pratique. Oui. On en parle maintenant. Mm-hmm. Alors, à 14 ans, tu es un enfant. Oui. Et déjà, tu fréquentais le bois de nuit. Bon, au Congo, d'abord, il y a une liberté qui peut, je peux appeler ça. Bon, quand les parents, pensent, par exemple, construisent les maisons, il y a toujours des annexes mm-hmm. pour les enfants. Oui, oui. Donc, à l'âge de 12 ans, 13 ans déjà, tu peux dormir dehors, oui. C'est-à-dire dans l'annexe. Oui, bien sûr. Alors, quand souvent les parents sont dans la grande maison et que vous êtes dans l'annexe, vous pouvez sortir. Ils n'arrivent pas à vous contrôler. Mm-hmm. Bon, il y a tout ça. Et puis, bon, le milieu que j'ai grandi, les amis, mon entourage. Mm-hmm. Ça a favorisé ça. Oui, aussi. Ça a favorisé ça. Mm-hmm. Et surtout, ce qui a fait que j'ai connu vite les femmes, c'est. Je connaissais bien jouer au football. Mm-hmm. Oui, au Congo, quand je sais jouer au football, les femmes là sont derrière toi. Mm-hmm. Souvent, oui. Donc, c'est ça qui a permis que. Elles aiment les stars, quoi. Oui, elles aiment. Non, y a des... Les hommes publics, oui. Ouais, tu vois. Il y a des quartiers où souvent on venait me chercher pour aller jouer. On peut venir me chercher, par exemple, à Cocody ici, mm-hmm. pour aller jouer soit à Makori. Mm-hmm. On vous dit, bon, celui qui marque le premier but, voilà, enfin, qui va passer la nuit avec toi. Ah, d'accord. Donc, c'est un enjeu. Ouais. Et puis, je jouais bien. Donc, c'est voilà, c'est ces choses-là qui a favorisé que je puisse connaître les femmes vite. D'accord. Mm-hmm. On y revient tout à l'heure. Hein. On parle un peu des boîtes de nuit à l'âge de 14 ans. Quelles sont tes activités dans l'enceinte de cette boîte de nuit-là? Bon, dans les boîtes de nuit, on partait pour, d'abord pour aller boire. Pour aller boire. Et puis, c'était des lieux de rencontre avec les filles. Puis, bon, c'est vrai, on était petits, mais il y avait des boîtes de nuit. Chez nous, là-bas, on appelait ça les matinées. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous commencez à 14h. Quand il dit chez nous, il parle du Congo, bon, Congo oui. Brazzaville. Oui, vous rentrez à 14h et on arrête à 21h. C'est-à-dire, on voit l'âge, quoi. Mm-hmm. Et puis, il y a les soirées qui commencent de 22h jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Voilà, donc nous, on passait, on nous laissait au moins rentrer dans pour la matinée. La matinée, de 14h mm-hmm. à 21h. Mais souvent aussi, on restait jusqu'au soir parce qu'on pouvait corrompre. Le gardien qui est là, mm-hmm. tu peux lui donner au moins 2 000 francs. Vieux père, il faut me laisser, je vais rester jusqu'au. Donc il te laisse. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc voilà un peu. Donc c'était la boisson là. La boisson, la cigarette. Mm-hmm. Mais justement, au niveau de la boisson, oui. Combien de bouteilles tu prenais en moyenne? Parce que tu dis que tu buvais beaucoup. Je buvais beaucoup, franchement. On en parle parce qu'on sait qu'après, Dieu t'a délivré. Oui. C'est pour ça qu'on insiste sur ça. Je buvais beaucoup. Je pouvais prendre 9 bières. Je pouvais prendre 9 bières. Mm-hmm. C'est les grosses bouteilles, là. Oui. Je pouvais prendre 9 bières. Bon, si c'est les 20, je pouvais en consommer 4, comme 4. Ça. Mmh. Et pour les cigarettes? Les cigarettes, je pouvais prendre un paquet et demi d'eux même. Mmh. Mmh. Oh, un paquet et demi, ça fait combien de? Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas comment. Oh, le paquet, quand il y a 20 bâtons. 20 bâtons. Oui. Un donc, paquet, si je prends un demi, 20 bâtons, un demi, ça va faire 30 par 30, là. Oui. 30 cigarettes que tu pourrais prendre en un jour. Oui. Mm-hmm. Oui, oui. 30 cigarettes, 30 bâtons. Oui, oui, 30 bâtons par jour. Mm-hmm. D'accord. Alors, tu as touché aussi un peu à la drogue. Oui, oui. J'ai touché un peu à la drogue parce qu'en fait, dans le milieu que j'étais, on avait des enfants, il y avait des enfants des riches, il y avait des enfants des ministres, mm-hmm. des enfants des directeurs des sociétés. Et ces enfants-là, je ne sais pas, ils avaient la facilité de gagner. Oui. Oui. C'est des enfants qui volaient beaucoup d'argent même. Mmh. D'abord, ils avaient déjà un peu d'argent, puis eux-mêmes, ils volaient l'argent de leurs parents. Mmh. Il y a des enfants qui volaient souvent les 16 millions, les 20 millions, et puis on va en boîte. On va en boîte de nuit, quand on va en boîte comme ça, on dit, bon, on ne peut pas aller comme ça, on va aller prendre quelque chose. Le joint, ils appellent ça le joint. Les on va quelque part, on bat du pont quelque part. Donc, est-ce qu'il y avait un fumoir? Bon, nous, on ne partait pas dans le fumoir. Mmh. C'est juste, on a mis... Oui, on a ça, et puis on va quelque part, en bas du pont, quelque part, un endroit caché. Ils sont même dans les toilettes des boîtes de nuit. Mmh. Même dans les toilettes de la boîte de nuit, on pouvait prendre ça. Et quand on va comme ça, la tête est un peu déjà... Mmh. Là, puis, vous pouvez voilà. vous amuser mieux, quoi. Mmh. Ça ne vous inquiétait même pas. C'est non, mais... L'argent était là, donc... Oui, l'argent était là. L'argent était là. L'argent était là. D'accord. Mmh. Alors, on parle maintenant des aventures avec les femmes, hein. Tu as donné un chiffre hors antenne que je vais rappeler. Quand j'ai demandé à Maurice Mbwana, qui est notre invité de ce jour, hein, et voilà, qui va nous bénir par son témoignage, alors il a quantifié un peu, il a chiffré un peu les femmes qu'il a connues à environ 300. Bon, si vous ne criez pas, hein, c'est son témoignage et on ne juge personne, on ne fait le procès de personne, mais c'est un chiffre qui est intéressant parce que après. Comme je le dis là, les détails, on les aime parce qu'après, on voit qu'il y a un changement, puisqu'ils ne consomment plus en griffes de femmes. Mais là, c'est après. On est encore dans sa vie sans Jésus, où c'est une vie sans foi ni loi, hein, où on est livré à nous-mêmes aux pensées bizarres qui nous viennent. Alors donc, en moyenne, tu pourrais rester avec une fille combien de temps? Non, je ne durerais pas avec les femmes, franchement. Je ne sais pas si j'étais animé par un esprit, mais franchement, je ne durerais pas avec les femmes. Mmh. Mais Maurice, tu es aussi un bel homme, je vois. Ouais. Je vois encore ça, que tu es encore un bel homme. Je veux dire que peut-être que c'était ça aussi, mais il y avait aussi peut-être l'esprit. Oui, franchement, je ne sais pas, je ne durerais pas avec les femmes. Mmh. Il y a des femmes peut-être avec qui j'ai fait une semaine seulement, deux semaines, mmh, un mois si c'est trop. Et quand puis, c'est comme ça, tu as envie de changer? Je change. J'ai changé les femmes. Mmh. Il y a d'autres mecs qui disaient que j'avais des médicaments des femmes. Franchement, j'avais cette facilité de gagner les femmes. Quand tu dragues une fille en même temps? Non. Il y a des jours j'ai décidé, aujourd'hui, j'ai dragué 10. Mmh. Et si je drague 10, dans les 10, j'avais gagné moins 7. Mmh. Et tu peux et bon, ça nous faisait plaisir. Elle, ça me faisait plaisir. Tu peux avoir des relations avec elle la même journée ou bien? Je peux coucher avec. Sur les 7 que tu as. Oui, je pourrais aller au moins avec 3 ou 4 femmes, mm-hmm, c'est dans ça, la journée comme ça. D'accord. Est-ce qu'il y avait des femmes mariées dedans? Bon, il y en avait. Mm-hmm. Mm-hmm. Il y en avait. D'accord. Et, du côté, comment on dit, les maisons closes. Les maisons closes, c'est les prostituées et tout ça. Est-ce que... Oui, les prostituées, on partait. Pour nous, je ne sais pas, c'était combien de jeux d'amusement. Hein. Mm-hmm. Oui, dans le quartier où j'étais, mes amis. Chacun de nous avait au moins 2 ou 3 copines. Mais malgré ça, ça ne nous empêchait pas d'aller, mm-hmm, les prostituer. Mm-hmm. Oui. Vous aviez un code là. Tu m'as dit ça la dernière fois. Nous, on appelait ça, quand tu veux aller chez les prostituées, que les gens sont là, mm-hmm, on parlait en code. On dit, bon, je m'ai acheté poulet. Mm-hmm. Moi, j'étais poulet. Les amis savent déjà de quoi tu parles. Mm-hmm. Oui. Et puis, il y avait une complicité entre nous, les amis. Même quand quelqu'un n'avait pas, l'autre n'avait pas l'argent pour aller chez les prostituées, on lui prêtait de l'argent. Celui qui veut aller m'en dit, bon Dieu, tiens, 1000 francs, 22 000 francs. Oui, va, prochainement, tu vas payer pour moi. Mm-hmm. Ouais. C'était comme ça. Oui. Mais qu'est-ce que vous recherchiez en allant chez les prostituées? Puisque vous aviez toutes les femmes. Je veux dire que tes amis et toi, vous avez toutes les femmes. Oui, bon, franchement, je ne sais pas. C'est une autre expérience ou bien c'est quoi? Voilà, vraiment. Tu n'arrives pas à t'expliquer ça aujourd'hui? C'est pas vraiment. C'était un esprit parce qu'il y a des moments même où on était assis, chacun même avait sa copine qui est venu le rendre visite, mais on laissait ses copines pour aller... Aller manger le poulet. C'était vraiment bizarre. D'accord, mais ça, mm-hmm, se comprend, puisque c'est quand tu n'as pas Jésus, tu es livré à toi. Hein. Oui. C'est cela. Bon, voilà, c'est ça. Hein. On est avec Maurice Mbouana, on l'a dit, que du Congo Brazza, mais qui vit en Côte d'Ivoire depuis 2000. Ça fait déjà 12 ans, il est évangéliste et il fait l'évangélisation porte à porte. C'est avec lui que nous passons... la demi-heure, hein, c'est lui qui nous entretient à travers ce témoignage. Il y a d'autres choses encore qui vont venir. Et suivez maintenant très bien encore ce qui va se passer maintenant. Son amour effréné pour les femmes va le conduire à rencontrer Mami Wata. C'était un jeudi 11 mai 2006. Maurice, raconte-nous ça. Bon, en fait, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2000, mm-hmm, et c'est là en fait que j'ai commencé à sentir un peu l'envie plutôt, mmh, d'aller à l'église. Je partais à l'église, mais j'étais pas ancré, vraiment, j'étais pas trop ancré. Ça c'est vraiment bien à préciser. Oui. On peut être chrétien et puis ne pas être bien converti. Vraiment. Ça. Mmh. Je partais à l'église, mais j'étais pas vraiment converti. Mmh. J'avais, comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, un pied dedans. Un pied dehors. Mmh. Donc, et c'est ici même, je veux signifier que c'est ici que Dieu m'a fait la grâce d'arrêter la cigarette d'abord. Parce que j'avais un problème pour arrêter la cigarette, de m'en débarrasser. J'en avais marre, mais je ne pouvais pas. Mm-hmm. Je ne pouvais pas. J'ai pris les médicaments traditionnels, indigénants plutôt, pour essayer. Ça n'allait pas. Et j'avais commencé à sentir un mal, même quand je fume. J'ai senti un mal sur mon dos. Mais tu étais impuissant quand il s'agissait d'arrêter. Non, je ne pouvais pas. C'était plus fort que moi. Et un jour, je me suis agenouillé et dit, Seigneur, vraiment, je vais arrêter la cigarette. C'était en 2002. Je dis, Seigneur, je vais arrêter la cigarette, mais je n'arrive pas. Et vraiment, je suis à l'étranger. Ça m'inquiétait beaucoup d'y aller à l'étranger. J'ai laissé mes parents éloignés comme ça. Et si aujourd'hui je tombe malade, qui va me soigner? Mmh. Vraiment, je veux arrêter, mais aide-moi. Franchement, Dieu a exaucé ma prière. Depuis ce jour-là, je n'ai plus fumé jusqu'aujourd'hui. Mmh. Et avant d'arriver à la Sirène des Eaux, comme je l'ai dit, j'ai croisé une fille au Bé en 2004. J'ai croisé cette jeune fille en 2004. Et... la fille est venue vivre. En fait, quand je l'ai connue, le même jour que je l'ai connue, on est sortis ensemble. Mm-hmm. C'était un coup de fou. Le lendemain, elle est venue vivre avec moi. Mm-hmm. Et étant avec elle dans la maison, je partais à l'église. Hein, un jour, j'entends une voix, c'était un dimanche même, je venais de l'église, j'entends une voix qui me disait, Maurice, si tu vas arrêter, si tu veux réussir, arrête les femmes. C'était à 17h, 17h30 comme ça. Tellement la voix sonnait dans mes oreilles, Maurice, si tu veux réussir, arrête les femmes. Donc je me suis réveillé précipitamment pour voir la personne qui me parlait. Je me réveille, je vois comme ça, il n'y a personne. La fille était profondément dans le sommeil. Je dis, ah, mais qui me parle? Donc le lendemain, je suis allé expliquer à mon pasteur. Le pasteur me dit, ah, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Et puis d'abord, même la fille qui vient avec toi à la maison, tu l'as jamais, tu l'as pas mariée, tu l'as pas dotée. Il dit, Dieu n'aime pas ça. Et moi, au lieu d'arrêter, ou bien de chercher à régler la situation à la fille, j'ai commencé à raisonner. Parce que même hormis la fille qui était avec moi à la maison, j'avais d'autres copines dehors. Moi, je me suis dit, bon, peut-être comme je trompe celle qui est avec moi à la maison, peut-être c'est à cause de ça, Dieu... Dieu t'interpelle. Voilà. Alors que Dieu, il t'interpellait sur cette pratique-là déjà, voilà. La fornication. D'accord. Donc, ça c'était en novembre 2004, j'ai fait... Oui, c'était en 2004 que j'ai fait ce son-là. Donc, en octobre, la fille, au moment où j'ai reçu ce son-là, j'ai entendu cette voix, la fille là était déjà enceinte. Et en octobre 2005, j'ai voyagé, je suis allé à Oroskrobou. C'est un pays à Bé, hein? Oui. C'est chez les Krobou. C'était un jeudi. Krobou, voilà. Jeudi, quand je suis arrivé dans ce village, la même nuit le jeudi, là, j'ai fait un songe où je me suis retrouvé dans une église. Mais l'église était entourée de paille. Et dans l'église là, on était deux garçons seulement et il y avait plein de femmes. Et c'était même une femme qui dirigeait la prière. Oui. Et la femme en question est venue auprès de moi. Elle a commencé à me gronder comme une maman était en train de gronder son enfant. Elle dit, mais Maurice, toi, pourquoi tu t'es-tu comme ça? Il dit, mais Dieu t'a défendu les femmes, tu ne veux pas comprendre. Quand elle parlait, tellement son visage rayonnait, je ne pouvais pas contenir, je suis tombé à terre. Elle dit, mais Dieu t'a défendu les femmes, tu ne veux pas comprendre. Il dit, mais si Dieu te défend les femmes, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas que tu te maries. Mais il a une femme qu'il a réservé pour toi. Et il m'a montré une fille dans l'assemblée. Il dit, voilà ta femme. Et la fille en question est venue vers moi, celle qu'on a montrée comme ma femme. Elle est venue me tendre la main et elle m'a soulevé. Et le frère qui était avec moi dans le songe me dit, non mais moi c'est une femme. Et la femme qui dirigeait la prière dit, mais celle qui a, elle, c'est pas sa femme. Là on parlait de la femme, la fille au oui, avec oui. qui tu étais là. Oui, oui. Et qui était enceinte de toi. Voilà. Donc quand je suis revenu à Abidjan, j'ai expliqué à un homme de Dieu, il me dit, ah mais c'est le même rêve qui continue. Donc j'ai demandé conseil, dit, mais celle qui est avec moi actuellement, elle est enceinte. Je peux aussi la chasser, on n'est pas en parlable, je fais comment? Et là il m'a donné comme conseil, il dit, bon, tu dis dans tes prières que la volonté de Dieu soit faite, que sa volonté soit faite, puisque tu ne peux pas chasser la fille. Elle est enceinte, vous n'êtes pas en parlable. Si elle n'était pas enceinte, au moins tu pouvais. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier 2006, on a passé les fêtes, on est rentré en janvier 2006. Le 7 janvier, moi, je suis parti à Maféré, derrière Boisseau. Et le jour même, je suis arrivé à Maféré, il y a eu une forte pluie. La pluie est tombée et ça a brûlé le réseau. Je ne pouvais pas joindre Abidjan. Abidjan ne pouvait pas me joindre aussi. Et jusqu'au 15 janvier, ils ont pu rétablir le réseau là-bas. Donc le premier coup de fil j'ai reçu, on m'annonce la mort de la fille Aubé. Elle partait accoucher, puis elle n'arrivait pas à me joindre. Elle partait accoucher et pendant l'accouchement, elle est décédée, elle et puis l'enfant. Elle et l'enfant. Les deux sont morts. Là, c'était un coup dur. Hein. C'était un coup dur vraiment. Je voulais même fuir parce que je voyais l'ampleur de la chose. J'ai dit, bon, la fille là, d'abord, je ne l'ai pas mariée. Ses parents ne me connaissent pas. Comment je veux me présenter en tant que qui? Et puis leur enfant est décédé dans ma main. Donc, je voulais aller même au Ghana. Parce que là où j'étais à Maféré, avec 1200 francs, je partais au Ghana. Mais ma conscience, quelque chose me disait, non, va. Donc, je me suis agenouillé du Seigneur. Je te demande une chose, d'apaiser le cœur des parents. Mais tu as quand même demandé pardon au Seigneur? Oui. Donc, je suis venu à Abidjan. Vraiment, Dieu a apaisé le cœur. Dieu a apaisé le cœur. Tout s'est passé comme vraiment il a voulu. Les parents m'ont demandé d'enterrer leur fille. Et avec quel argent? Oui, oui. Donc le peu d'argent que j'avais, avec que je faisais mon commerce, j'ai pris ce peu d'argent, mais c'était insuffisant. Même j'étais oublié d'appeler mes parents qui m'envoyaient un peu d'argent pour pouvoir faire les enterrements, tout ça. Organiser les funérailles. C'est ça. Quatre mois après la mort de celle qui vivait avec moi, que j'ai rencontré cette fille, Mami Wata. Parce que là, tu ne savais pas que c'était Mami Wata. Pour non, toi, c'est une fille normale. Oui. C'est après. C'est ce que tu vas nous raconter maintenant. Voilà. Quatre mois après le décès de ma compagne. De ma compagne, je partais rendre visite à une tante en zone 4. dans ce temps, j'habitais Yopougon. Quand je suis arrivé, je suis emprunté de Yopougon, arrivé au grand carrefour de Kumasi. Au moment où je traversais, à la traversée, j'ai vu la jeune fille bien, très belle. Donc, je l'ai abordée comme toute femme. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle était vraiment une mamie Ouattara. Je l'ai abordée comme toute femme. Et la fille m'a dit, bon, j'accepte ton amitié, mais allons, tu vas le connaître chez moi. Donc, on est arrivé jusqu'à devant chez elle. Elle m'a montré sa cour. Effectivement, même sa grande sœur sortait de la cour. Elle m'a présenté sa grande sœur m'a salué. Et donc, après ça, on allait prendre un pot quelque part avec elle. Et je causais avec elle, je causais. Et la fille, à un moment, elle a pris ma main. Elle a commencé à regarder sur la paume de ma main. Elle a commencé à sourire. Bon, moi, je n'ai pas pensé à quelque chose. Je ne peux pas imaginer que c'est une fille qui voit tout ça. Donc, quand on s'est séparé avec elle, je suis allé voir la tante où je partais. Et de là-bas, je suis venu. J'ai emprunté la voiture. Je suis parti, moi, à Yopougon. Ça, c'était le jeudi. Et le vendredi, j'étais à Trècheville. Trècheville, je me suis dit, bon, Trècheville n'est pas loin de Kumasi. Bon, je vais essayer d'appeler ma copine pour qu'on se voie. Donc, je l'appelle. La fille me dit, non, je suis au travail. Je dis, mais tu ne m'avais pas dit que tu travaillais. Elle me dit, non, je suis au travail. Je travaille au grand, je travaille à l'école libanaise. Donc, elle m'a indiqué le coin. Elle dit que si tu arrives au grand carrefour, là où on s'est croisé, à son maître, il y a une école libanaise là. Tu viens, je suis là-bas. Effectivement, je suis allé, je l'ai trouvé. Elle a un kiosque au sein de l'école. Les kiosques pour les diallos là. Elle a deux frigos dedans à l'intérieur de son kiosque. Et elle vend un peu de tout. Hein. Elle vend les jus. Voilà. Bissap et autres. Bissap, oui. Les pains fourrés, tout ça là. Donc, quand je suis arrivé, je l'ai vu effectivement. Donc, la fille, elle m'a reçu avec. Elle m'a offert une sucrerie. Maintenant, après, j'étais là, je causais. Et puis, je suis arrivé là-bas vers les 10h30 comme ça. Midi m'a trouvé là-bas. Elle m'a demandé si je devais manger quoi à midi. Il dit, mais tout ce que tu m'offres, je vais manger. Elle a envoyé une petite d'aller acheter un plat de tchèp. Donc la petite est venue, j'ai mangé ce plat de tchèp. Et au moment où je causais elle, c'est là que j'ai vu une bague sous son doigt. Et il y avait en 2006, là, il y avait des bagues qui étaient sorties à la mode. Les bagues, là, il y en a encore jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est en caoutchouc. C'est en caoutchouc, mais c'est transparent. Tu vois l'intérieur, c'est un peu transparent. Il y avait des fleurs. Elle avait une bague comme ça. Elle dit, ah, ta bague, là, c'est bien belle. Elle dit, ah, ça te plaît? Je dis, oui, ça me plaît. Donc, elle a levé la bague tout en souriant et elle m'a donné. Elle m'a donné la bague. Donc, quand j'ai pris la bague, on est resté ensemble ce jour-là jusqu'à 17h. La fille en question même, elle a un enfant. Elle a un enfant et son enfant là même pour dormir. S'il n'y a pas un habit de sa maman, c'est-à-dire un morceau de pain ou bien quelque chose, cet enfant ne dort pas. Cet enfant peut avoir un an et demi comme ça. Donc, quand elle a fini de vendre ce jour-là, elle m'a accompagné au grand carrefour de Kumasi. Mais avant de se séparer, moi, je l'ai invité. Parce que... J'ai coupé, hein. Non, j'ai coupé, Maurice. J'ai coupé, je le dis aux auditeurs, parce que on veut leur demander de nous suivre la semaine prochaine. Tant qu'il y a un parti, déjà, hein, Maurice est déjà à son terme. Vous êtes invité, vous êtes arrivé au grand carrefour de Kumasi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais pour que les gens sachent, pour que les auditeurs sachent, ils vont nous suivre la semaine prochaine. Parce que là, c'est la première émission que nous faisons. On fera peut-être une deuxième et peut-être une troisième, on ne sait pas. Mais pour savoir ce qui s'est passé, suivez-nous. Dans cette belle aventure avec Maurice Mbwana, Congolais de Brazzaville et qui vit en Côte d'Ivoire depuis 2000. Je vous ai dit qu'il a rencontré la sirène des eaux, Mami Ouattara. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais suivez-nous pour les autres épisodes. Et puis, à la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur. Prisca Ima sur le microphone. Et Yao Emmanuel derrière la baie vitrée. À la semaine prochaine pour la suite du témoignage de Maurice Mbwana. Transformation. Transformation est une émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage des enfants de Dieu qui ont été transformés au lendemain de leur rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. L'émission Transformation vous donne l'opportunité de partager le changement survenu dans votre vie depuis que Jésus la contrôle. Transformation pour dire en cœur, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Production, Fréquence Vie, présentation, Prisca Aïman.